Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce 20e épisode, nul autre que Siege Renaud. Salut Renaud, comment ça va? Et bonsoir jeune homme. Content de te retrouver en ce 20e épisode. C'est un chiffre rond, on célèbre les chiffres ronds, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, c'est un bel accomplissement. On s'est rendu à 20, on va espérer pour 20 autres d'ailleurs. Oui, ben écoute, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Ça fait un bout là, quand même, ça passe vite, ça doit faire quoi? Ça fait au moins un an. Je pense qu'on a commencé à peu près il y a un an. Peut-être même plus longtemps peut-être que ça. Plus. Je me rappelle ce qui avait allumé ma flamme. C'était, tu avais fait un article, c'était pendant Cons of Tarkir. Tu avais joué, tu avais gagné là, au Griffon en limité Cons of Tarkir. Tu avais fait un article pour dire l'importance de frapper le cinquième land. Puis là, j'ai fait ah, c'est du contenu en français de même que je veux qu'on ait accès au Québec. J'écoutais beaucoup de balado dans ce temps-là. Je me suis dit, moi, je pense que j'aimerais ça animer une balado avec toi, Renaud. Fait que je ne sais pas c'est à quel. C'est dans le bout de Cons of Tarkir. Ben, c'est juste avant Grand Prix New Jersey, en fait. Donc, ça fait un an. Ouais. Fait que voilà. Fait qu'en un an. Quasiment aujourd'hui. C'est. Hey, on fête notre premier anniversaire, puis on ne savait même pas. C'est ça, on fête notre premier anniversaire, c'est notre 20e épisode, et pour célébrer tout ça, bien, on va mettre en ligne ce soir probablement, ou dès que l'épisode va sortir, notre nouveau logo, parce que... Il est beau. Il est beau, hein, vous allez voir ça, chers auditeurs. Ça va amener un petit côté plus attachant. Je veux dire, en ce moment, le logo de Magic 101, c'est Renaud qui l'avait fait. C'est un logo de fortune. que t'avais... Mais je suis pas graphiste de formation, hein. Je me débrouille et c'est tout. Exactement, mais ça fait le travail. Moi, je l'aimais bien, mais là, on va passer à un autre niveau. Et ça fait un an, on peut reléguer ça aux archives. Exactement, après un an. Fait que là, La Bibliothèque nationale. Ouais, on va mettre ça aux archives de la Bibliothèque nationale. D'ailleurs, ça me fait penser quand, moi, dans une autre vie, j'avais un band de musique rock, metal. Et chaque fois que tu produis une affiche ou un album, tu peux toujours envoyer ça aux archives, même qu'ils te demandent de déposer. Puis on avait déposé notre disque aux archives nationales. Puis un de ces bons jours, j'étais à Montréal, à la grande bibliothèque de Montréal, puis là, je regardais un peu les albums. Puis ça tombe qu'ils mettent aussi ta copie d'album à la Bibliothèque nationale. Fait que là, je pouvais emprunter le disque de mon groupe. Je me sentais valorisé. Hey, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la mémoire d'une nation? Exactement. Renaud, aujourd'hui, on va faire un petit épisode. C'est pas en ce moment pour nos auditeurs, je dirais, ça va être un épisode un peu de transition. On est un peu là, on est au bout du format en limité. Je pense qu'à peu près tout ce qui a été dit sur Battle to Zendikar a été dit. Je pense que nos auditeurs sont assez familiers avec les différents archétypes qui existent. Il y a eu un Grand Prix la semaine dernière. Peut-être une des surprises, je dirais, c'est le fait que c'est un deck avec du vert dedans qui a gagné ça. Donc, c'est, la plupart des pros là, essayaient d'éviter le vert, peut-être à part quelques joueurs, là, les noms m'échappent, là, mais quelques joueurs qui osaient aller dans du vert. Idéalement, un bleu, noir, rouge étaient des bons endroits où être. Et bref, donc vert a gagné ce Grand Prix-là avec du blanc. Donc, c'est quand même ça, c'était peut-être une petite touche intéressante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais drafter le vert parce que les pros disent que ce n'est pas draftable. Parce que comme tu disais, on s'est parlé un peu hors d'onde, Renaud. Oui, mais c'est ça. Oui, vas-y. C'est quand tu es la seule personne à jouer une couleur autour de la table. Il y a 8 personnes. Il y a quand même... 24 paquets de verre, là, ça fait quand même beaucoup de communes. Puis quand tu es la seule personne à récolter, même s'il y a peu de très bonnes cartes de cette couleur-là, quand tu es la seule personne à récolter, ben, ça paye quand ça donne. Dès qu'il y a deux personnes qui décident, qui disent que vert, qui pensent que vert est ouvert, dès qu'il y a deux personnes autour de la table, là, ça devient un peu plus difficile. Fait que c'est un risque à prendre dans ce format-là. Tout à fait. Puis je dirais aussi, par exemple, tu sais, ça c'est une des choses, parce que je veux pas quand tu commences un draft, toi, ton premier paquet, veux pas, si, mettons, tu attrapes une rare qui est quand même une bonne carte, là, seule, mais que c'est vert, disons que tu la prends parce que okay, c'est le niveau de puissance est trop fort, je garde cette carte-là. Faut que quand même, en fait, c'est pour n'importe quel draft, tu sois. Mettons, la mythique, là. Gatekeeper, Marusa, je sais pas trop. Ouais. Donc, j'ai pas le choix, je garde cette carte-là, je la draft. Ah, bon. Quand même très solide. Mais faut pas non plus, puis ça, c'est bon pour, je pense, tous les formats. C'est encore plus vrai de Battle of Zendikar parce que c'est un format vraiment de synergie. C'est pas un format, on est très loin des core sets où on fait juste drafter une pile de bonnes cartes puis on va être heureux avec ça. C'est vraiment un deck où il faut se trouver une chaise, il faut identifier dans les paquets qu'on a quels archétypes semblent être bien représentés puis quelle couleur est ouverte. Fait qu'il faut pas que tu tombes en amour avec une carte, surtout pas si justement c'est une carte verte puis on sait que le vert est pas très profond, il n'y a pas une bonne profondeur de carte. Donc si ça tombe qu'il y a un autre joueur qui est vert, il ne faut pas que tu tombes en amour avec ton premier pick dans ce format-là. Il faut vraiment que tu identifies quelle couleur est ouverte, surtout quel type de deck est ouvert autour de la table. Mm-hmm. Donc, c'est aussi un format dans lequel la variance est quand même relativement peu élevée. Fait que ouais. T'as toujours des choses à faire avec ton mana, des créatures qui ont des habilités que tu peux activer, les cartes qui ont Awaken. Ouais. Qui coûte plus cher. Fait que même si tu piges plusieurs lanes de fil, les cartes font beaucoup de choses. Ne serait-ce que pour le landfall, ne serait-ce que. C'est justement, tu vas avoir des early drops pour landfall, tu vas avoir des mana sync, comme tu dis. Là, 18, 19 lands, c'est des coffrets cannes dans les decks de Battle for Zendikar. Ouais, exactement. Donc, peut-être en termes de limiter, ce serait ça. Donc, ce que je dis en début d'épisode, c'est qu'on est un peu à la fin de ce format-là. Je pense qu'il a été quand même bien analysé. Il va y avoir, par contre, la World Magic Cup qui sera dans 3 semaines. C'est la fin de semaine du 11-12 décembre. Et donc, là, à ce moment-là, ce qui va être intéressant, ça va être, c'est en équipe, donc c'est en équipe pour c'est un sealed en équipe et ensuite c'est en standard unifié. J'ai hâte de voir si en sealed en équipe on va voir sortir d'autres types de decks. Je me demande justement, je veux pas, les équipes vont avoir besoin d'aller un peu plus large. Est-ce qu'il y aura peut-être pas des decks comme qui sont un peu plus marginaux en ce moment, comme Sam Black a essayé de drafter un deck noir-vert Ramp, qui semble pouvoir exister, mais qu'on l'a très peu vu là, parce qu'il, pour l'instant, il n'a pas réussi vraiment, je pense, à dominer dans le format. Il y a des decks qui sont trop efficaces, mais là, vu que ce ne sera pas un draft, peut-être que là, les decks vont être un peu moins fine-tunés et peut-être qu'il va y avoir certains types de decks qui vont ressortir. C'est peut-être la seule autre zone non explorée, là, le Team Seal de Battle of Zendikar. J'ai vraiment hâte de voir ce que les équipes vont faire avec ça. Oui, puis dans ce type de format-là, disons que l'équipe du Canada est bien pourvue là, avec Alexander Haynes qui va pouvoir donner des très bons conseils à ses coéquipiers. Il a gagné au Japon un Grand Prix Team Sealed. Puis il a fait top 4 aussi d'un autre, il me semble, récemment aussi. OK. C'est-tu, comment ça s'appelle déjà? Providence ou... Ok, ouais, ça se peut, mais je sais pas. Ouais. Avec Rich Hine, puis aussi John Stern, qui est quand même bon en Team Sealed. Fait qu'ils se connaissent bien. D'après moi, ils vont avoir une stratégie probante là, pour le tournoi. Puis c'est des gens qui savent ce qu'ils font quand ils vont s'asseoir à une table de Team Sealed. Oui, ça va être vraiment, vraiment intéressant à voir. Puis l'autre chose aussi qui va être intéressante à voir, c'est que en ce moment, standard, c'est un des formats le plus multicouleur qu'on a vu depuis un méchant bout. Là. C'est des decks, je veux dire, 4 couleurs, c'est vraiment pas rare. Là. Je veux dire, Jeskai noir, Black Jeskai, Dark Jeskai, t'as comme Abzan Blue. Tu sais, je veux dire, les decks jouent 4 couleurs, genre de voir comment ils vont faire pour se restreindre. En unifié, ça va être difficile à savoir. Mais tu sais, qui joue les Flood Adstrand puis qui joue les Polluted Delta quand il y a plusieurs decks que ça se recoupe là, en ce moment. Exactement. Parce que c'est exactement ça. Les decks, en ce moment, se recoupent beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi les innovations. Il n'y aura pas le choix d'avoir des innovations, à mon avis. Parce que, est-ce que tu es capable, comme ça, à la volée, de nous rappeler un peu les règles pour construire les decks en standard unifié? Mais en standard unifié, on n'a pas le droit d'avoir... Il y a 3 joueurs, puis chacun des trois joueurs dans les trois decks ne peuvent pas avoir plus que un playset de chaque carte. Il ne peut pas avoir plus que 4 Flooded Strand à l'intérieur des trois decks, il ne peut pas avoir plus que 4 Jace à l'intérieur des trois decks. Donc, ça va être quelque chose de particulier là, de voir là, qu'est-ce qui peut. Quel deck n'a pas de recoupement en ce moment. C'est Ouais, parce que que à Tarka ou Mono Rouge, ça peut régler un ça va problème, mais exister, là, ouais. après ça, il y a quand même pas mal de cartes qui reviennent dans les autres Ouais. decks. Ouais, tout à Tu fait aussi. formes des Gédéons ou pas, d'être dans un deck avec des Gédéons. Peut-être Green-White, Megamorph. Ouais. Peut-être qui recoupe pas trop avec Jeskai Black. Mais même là encore, il peut y avoir des cartes blanches de sideboard. Ouais, Ça va être à voir là. j'ai hâte de voir où est-ce que les équipes vont aller avec ça aussi. Je pense que ça va vraiment être un beau tournoi dans l'année que je vais suivre avec attention là, cette fin de semaine-là. En plus, c'est des joueurs de haut calibre, mais il y a aussi souvent sur chaque équipe là, des joueurs qui se sont qualifiés par des tournois un peu par la porte en arrière. Donc, ça fait que certaines équipes ont des joueurs un peu moins connus. Là, comme sur l'équipe canadienne, je crois qu'il y a un joueur que son nom ne dit rien, donc je n'ai jamais vu jouer. J'ai hâte de voir ça aussi, ce que ça va donner. Ça te met de la pression sur ce petit jeu. Sur ces joueurs-là, je trouve, là, lorsque tu joues avec des joueurs aguerris, puis que là, toi, tu te retrouves à être dans cette équipe-là, il faut quand même que tu assures. Ben, tout à fait, mais tu sais, l'équipe du Canada est quand même bien supporté l'équipe des États-Unis aussi. Mike Zegras, Tom Martel, puis Neil Oliver, qui ont tous déjà gagné des grands prix. Tom Martel qui a gagné un grand prix, Seal, un peu plus tard que la semaine passée. Mike Zegras qui fait, c'est Tant bien. probablement le joueur le plus en feu en ce moment. Fort. Neil Oliver qui a aussi gagné plusieurs tournois limités. C'est lui qui a gagné le Grand Prix de Las Vegas, le Modern Master 1. Ouais, Si effectivement. je ne m'abuse. Tu as absolument raison. Puis, parenthèse Non, sur Neil Oliver. l'équipe des États-Unis, l'équipe du Canada avec Sean McLaren puis Alexander Haigh, qui est vraiment. L'équipe du Japon aussi, là, j'ai pas la liste devant moi, mais il paraît qu'ils sont très solides, le Japon cette année. Là, c'est plusieurs commentateurs qui la mettent comme favori. Oui, ben, il y a Yuya Watanabe, Kenji Tsumava, qui fait un retour, dans le fond, là. Puis Ryuichi Tamada, qui était dans le top. C'est lui qui a battu Rikichen, il me semble, dans le Ouais, top 8 de dernier Pro Tour. en effet. C'est quand même il y a Suyu Yu, que je connais pas, mais dans trois gros joueurs aussi. Le Japon, Canada, États-Unis, grosse équipe cette année. Tout à fait. Puis ça, je voulais dire, Neil Oliver, lui, le grand prix, parce qu'en fin de semaine, il y avait un grand prix moderne à Pittsburgh. D'ailleurs, plusieurs joueurs de Sherbrooke et des environs qui sont allés, on les salue. Mais Neil Oliver a fait, je ne vais pas dire n'importe quoi, il était 9-0, puis il a perdu ses quatre dernières rondes. Tac, tac, tac. Fait que là, il s'est sorti complètement du top 8. Il était 0-4 après. C'est fou comment des fois, là, c'est tellement difficile de gagner à Magic, je trouve. Puis ça m'étonne toujours de voir jusqu'à quel point c'est quand même toujours souvent les mêmes joueurs qui sont en haut de la pyramide. Fait que, c'est comme je voyais passer tantôt Pascal Ménard qui a fait, je crois, il y a eu 11-4. Puis, il était là un peu déçu. C'est fou, hein, les joueurs, comment le standard de résultat est élevé pour les joueurs de ce calibre-là. Moi, quand je joue avec mes amis, il y a toujours un joueur, mettons, qui est un peu plus fort que les autres, mais on a un peu de la difficulté à saisir exactement pourquoi il est plus fort. Mais comme là, tantôt, là, le top 8 du Grand Prix, Craig Wesco, encore, c'est des gros noms, qui a battu Brad Nilsson juste à la dernière minute. Puis il y a eu, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je ne sais pas si c'est Grist, mais en tout cas, il y a d'autres très gros joueurs dans le top 8. Fait que c'est comme toujours les mêmes noms. On en a déjà parlé de ça, mais ça m'impressionne toujours jusqu'à quel point que. Il y a du monde, ils comprennent quelque chose à propos de ce jeu-là. Puis je sais que c'est aussi une question de répétition. On en a parlé avec Ricky il y a 2 semaines quand on l'a eu en entrevue. Mais lui, il s'est préparé. Il jouait comme combien d'heures qu'il nous disait là, c'était fou le nombre d'heures qu'il jouait par semaine. Donc il y a un niveau de préparation, je pense, qui est très important. Mais Ça frôle, pas... ça frôle le job à temps plein. Là. C'est autour de 30, 35 heures. Ah, c'est ça, c'est incroyable. Puis, c'est beaucoup d'heures. Là. Vraiment pour en arriver à quand même à performer à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, c'est ça, Ricky était au Grand Prix avec, il était avec Max Félasselin. Maxime Bélanger, Philippe Asselin, Nicolas Bellin, puis Ricky Chin. Ouais. Trois personnes sur quatre quand même qui ont fait jour 2. Ouais, ce qui est bien. Donc, ça allait quand même pas si mal. Puis je pense que 10-5, je m'avance, là, j'ai pas vu le classement final, mais Cinq, ça paye ton entrée. peut-être qu'ils ont fait un peu d'argent. Là. Ah ouais. Mais ça prenait 33 points minimum pour faire au moins un pro point. Fait que Ricky Chin, malheureusement, n'a pas fait de points en fin de semaine. Oui, c'est important pour lui. Oui, quand même. Chaque point peut compter pour se rendre à 30, c'est 33 ou 33 points. 33 ouais. Gros points. Mm-hmm. Chaque point compte. Tout à fait. Rendu où il est, là, il y a 21 points, je pense, déjà. Oui, puis il y avait chaque point compte. Ah oui, vraiment. Puis il avait décidé notamment d'y aller, je pense, parce que c'est le même format que le Pro Tour auquel il va assister, qui est Pro Tour Atlanta. Je dis-tu n'importe quoi, là? Le prochain Pro Tour. Oui, c'est ça. Pro Tour Atlanta qui est moderne. Et là, c'était un Grand Prix moderne. Puis je sais que je pense que tu as travaillé un peu avec ces gars-là pour se préparer. Est-ce que tu sais qu'est-ce que les joueurs jouaient, ces joueurs-là jouaient? Nicolas Bellin puis Maxime Bélanger étaient sur Abzan plus version junk comme okay. Adam. Midrange. Puis, ça l'a pas payé pour Maxime Bélanger parce qu'il a joué contre Tron et Amulette Bloom à plusieurs reprises. Okay. Donc, il y a des matchs parmi les matchs les plus difficiles. Mm-hmm. Philippe, je sais pas qu'est-ce qu'il jouait. Rick Chin devait jouer à Affinity. Ouais. D'ailleurs, Affinity qui était en finale. C'était une finale Affinity contre Jeskai Splinter Twin. Oui, puis ça, c'est très difficile pour Affinity. C'est probablement le pire match-up, là, en fait. Oui, c'est clair, là. C'est pas... je me rappelle plus... c'est sûr, il y a Stony Silence qui... c'est difficile, mais il y a tellement de removal que c'est vraiment pas évident. Je me rappelle, j'ai joué quelques... Ouais, c'est juste le combo aussi, parce qu'Affinity n'a pas vraiment... Tu sais, il y a juste Galvanic Blast pour interagir. Il n'y a aucune permission non plus. Puis la mana est quand même... Il est comme une contrainte de mana avec Affinity. Donc, ouais. C'est pas trop... C'est difficile de tout le temps à chaque tour pouvoir garder Galvanic Blast up puis mettre la pression en même temps. Des fois, il y a des tours où est-ce qu'il faut que tu joues ton Cranial Plating puis l'équiper, tu sais. Ouais. Puis... Si t'es pas capable de le faire tour 1 ou tour 2, si t'es pas capable de jouer ton Cranial Plating tour 1 avec plusieurs mocks puis de l'accélérer, c'est très difficile de gagner contre ouais. Splinter. Ouais. Le dernier match, il a failli gagner avec le dommage infect d'Inkmock Nexus, mais finalement, le joueur qui jouait Jeskai, Splinter Twin, a comme fait. Serum Vision, puis dans Twin, puis ça, il a gagné sur le combo. Là, il restait un tour, dans le fond, il a gagné au dernier tour essentiellement. Ouais, c'est ça. Mais souvent, tu peux gagner une espèce de guerre d'attrition, même contre des decks comme Grixis Midrange, mm-hmm. parce qu'ils vont Collagen's Command, puis c'est des affaires pas possibles. Puis gagner quand même au travers de ça, grâce au Nexus, puis le fait de pouvoir jouer plating, puis équiper, puis gagner sur le... Tu sais, comme un mini-combo, si on veut, là. Ouais. Puis il y a aussi Edge Champion qui peut aider contre ces decks-là, comme contre John aussi, qui fait des kicks. Même s'il fait 2-2 pour 1, tu finis toujours par être capable de revenir, parce que ils n'ont pas vraiment... Ça, c'est pas des decks agresseurs. Fait que, contre les decks contrôle, c'est pas si pire, mais dès qu'il y a le combo de Splinter Twin, ça leur donne une façon de te tuer comme ça. Des fois, ça te prend 5-6 tours à finir pour passer les derniers dommages contre les decks d'attrition comme Grixis Midrange ou Control ou contre Jund, Junk. Mais Splinter Twin, c'est ouais, ça pardonne. Ça pardonne pas, puis c'est terminé. Ouais, ça, puis j'ai vu, écoute, c'était dans les decks là, qu'il y avait, il n'y avait rien de surprenant dans la metagame. Je pense que les joueurs s'étaient préparés en fonction d'une metagame où Splinter Twin allait dominer, Affinity allait dominer, puis c'était ça la finale. Fait que j'ai l'impression que ça a été une question de vraiment le. Je pense que c'était vraiment les décisions de sideboard qui ont probablement amené les joueurs là où ils ont été. Là, je sais que, par exemple, Craig Wesco, il s'attendait clairement à avoir Affinity présent. Il y avait 4 Stony Silence en sideboard, là, quand même. Là, ça montre là, qu'il savait où est-ce qu'il s'en allait. Puis j'ai vu. Il y a aussi. Il y a Stony Silence. C'est bon contre Affinity, évidemment. Pitron, mais il y a aussi le deck. De Lanterne Control qui avait gagné un autre Grand Prix récemment. Et qui est quand même une surprise qu'un deck comme ça gagne, mais quand t'es pas préparé, ben, les lanternes ben, ils finissent par t'empêcher de piger les cartes. Ouais. Que tu contrôles le top de ton deck puis toi t'as plus de cartes dans tes mains, fait que tu meurs parce que tu peux pas l'attaquer à un Ring Bridge puis tu peux pas piger ta réponse parce que t'en as pas dans ton deck. Stormy Silence, c'est aussi une constatation à ce deck-là, je pense, la part de West Coast. Oui, tout à fait. Parce que 4 contre juste en ayant juste Affinity en tête. Non, c'est sûr que tu ne fais pas juste ça. Ouais. Je pense que c'est un peu abusif, surtout qu'il y a déjà des Cazali Pride Mage main deck. En effet. Puis un deck qui n'a pas si bien fait, je pense, en tout cas, qui est quand même. Était bien représenté, mais moi, m'a pas impressionné tant que ça. C'est Grixis Delver. On l'a presque pas vu. Puis je pense que, moi, en tout cas, c'est une liste que je trouve qui est belle. Je trouve que c'est un beau deck. Il a été performé pendant certaines semaines, mais là, il a été comme complètement absent. C'est plus la version contrôle de Grixis, puis même une version de Splinter Twin Grixis qui était là. Fait que je sais pas si. Delver, c'est une carte qui peut dominer un format, mais qu'est-ce qui fait qu'une carte comme Delver, qui peut tellement être puissante dans certaines metagames, va juste pas performer? Est-ce que tu as une théorie sur ça? Ou moi, je me suis demandé peu pourquoi. Il y a moins de mana en ce moment. Il y a moins de mana disponible rapidement. Okay. Les decks sont capables de développer plus de mana. En moderne que par exemple en Legacy. Oh. Puis les réponses en Legacy coûtent beaucoup moins cher pour contrer des decks combo. Par exemple, il y a Force of Will, il y a Flusterstorm, il y a tout un paquet de possibilités pour le deck de Delver pour protéger son Delver. Ouais. Tandis qu'en moderne, Manalik, Remand. Les counterspells sont pas mal moins bons. Ouais. Ce qui fait que c'est plus difficile de protéger le Delver au début de la partie. Puis après ça, ben, les decks sont capables de surpasser ça un peu plus facilement. Puis il n'y a pas de choses pour vraiment bien piger. Il n'y a pas de choses pour. C'était un Delver à fin du tour comme Redstone. C'est des affaires un peu ridicules. Ce qui fait que la version Legacy est juste. Vraiment ridicule comparé à la version moderne. Ouais. Puis en ce moment, avec des decks comme Tron, comme Amulet Bloom, puis des decks comme Splinter Twin qui sont capables de faire des combos, en fait, sans Force of Will, Delver contre combo, pour plus de difficultés, disons. Ouais, non, ça a bien de l'allure le fait que. C'est bien plus difficile de le protéger en modern. Puis, c'est ça. Ouais, vraiment plus difficile. Les decks contrôle qui jouent Kolaghan's Command, par exemple, ou des choses comme ça, avec Jace en plus, pour rejouer plus de spells, faire en sorte que les decks de Delver, qui se concentrent plus sur Delver, ben, ils passent en dessous là, de ces decks-là parce qu'ils n'ont pas de. Ils ont pas assez de menaces dans leur deck pour traverser ça. Fait que, non, en ce moment, c'est pas. Gagnant en ce moment. T'es mieux avec l'aspect twin qui va te permettre de gagner des matchs que tu ne gagneras pas de toute façon. Bester Might, c'est quasiment un Delver, si on veut. Là, ouais, quasiment un Delver flippé. C'est une 2-1, mais ça a l'aspect similaire côté évasion, puis quand même proche niveau power. Puis, sauf qu'il y a l'aspect combo que tu gagnes avec ça. Souvent, j'ai vu des versions de Grixis Twin avec aussi peu que deux Splinter Twin dedans qui mettent juste au cas, puis le reste, c'est plus contrôle puis grandé. Deux ou trois Splinter Twin. Fait que c'est pas un deck consacré Splinter Twin, mais il y a cet aspect-là qui permet de gagner des matchs que tu gagnerais pas de toute façon en temps normal. Bien intéressant. Puis pendant que tu me parlais, écoute, j'ai pensé à. Parce qu'en fait, je suis allé voir sur le site de Wizards parce que je voulais voir un peu le tournoi, un peu les listes qui avaient gagné tout ça. Puis là, j'ai pensé. Puis sur la page d'accueil, il y avait Grizzle Brand parce que je pense qu'il donnait. C'était la promo pour le Grand Prix. Et je me suis rappelé que Pascal Ménard, en fait, jouait. C'est Grishol Blue. Là, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Je peux peut-être te copier la liste, là, mais c'est un deck vraiment. Vraiment spécial. Là. Genre qu'il joue Jace, Grizzle Brand puis Borborygmos quand même là, dans le même deck. World's Pain Worm. C'est quand même fou. Moi, je connaissais pas ce deck-là. Je sais pas ce que c'est. Oui, avec Nourishing Show, tu peux exiler une créature verte. Il me semble qu'il faut qu'elle soit verte. Ouais. De ta main pour gagner de la vie. Okay. Fait que, en pigeant avec Grizzle Brand, tu te retrouves à piger un World Spy Worm, puis un Origin Shoal. Tu gagnes 11 de vie, tu piges cette autre carte, tu refais ça. Jusqu'à ce que tu aies assez de Simeon Spirit Guide pour jouer un autre. Tu seras un trou de breach, soit discarté avec Fateless Looting ton autre Borborygmos, jouer un autre Gorgeous Vengeance, amener Borborygmos, puis piger toutes tes lames que t'as dans tes mains. C'est un deck qui est capable de combo pendant le tour de l'autre aussi grâce à Gorgeous Vengeance. OK. À la fin du tour de l'autre, tu peux gagner. Fait que non, c'est un deck combo que c'est Gorgeous Vengeance qui est vraiment la meilleure version du type Gorgeous Vengeance à être joué depuis le début du format de Magic. Puis c'était des cartes qui existent quand même depuis. Un petit bout, il n'y a rien vraiment de nouveau là, qui a amené ça. Nourishing Show, c'est dans Kamigawa. Borborygmos, c'est là depuis Gatecrash. Ouais. Gazelle Brand est là depuis que le format existe. Puis, ouais. Dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à mettre cette liste-là. Puis, c'est cool quand même, là, c'est intéressant. Encore une version de Gorgeous Vengeance comme viable. Là, parce qu'avant, c'était la version juste rouge. Noir, elle avait de la difficulté des fois à tuer. Là. Il y avait des cartes qui faisaient rien, puis c'était pas aussi explosif. Intéressant. Mais quand même, c'est fou. Hein, ça, Wizards ont été très, très actifs avec la banlist en Modern, probablement trop au goût de plusieurs. Là. Mais en tout cas, si je me fie aux chiffres là, qui sont sortis pour le Grand Prix dans fin de semaine, il y avait quand même une grande diversité de decks. C'est ça que Wizard veut. Wizard, je pense, cherche à ce qu'il y ait une diversité de decks et que ce soit la plupart du temps des decks interactifs. C'est sûr qu'à ce niveau-là, il va toujours avoir des decks que tu joues tout seul puis tu gagnes. Là, comme il y avait encore des decks Storm, mais en même temps, Storm, un petit peu l'interaction. Parfois, décide de tuer des créatures. Non. J'ai vu. Ouais, très peu. Des fois, peut-être contre Affinity, Storm va faire un grip shot juste pour donner du temps, mais c'est rare. Habituellement, c'est pas ça l'intention. Là. Mais c'est ça. Fait que, ils ont quand même fait un bon travail pour varier la metagame, je pense. Pour l'interaction, ben écoute, il va toujours avoir des decks un peu plus combo, je pense, qui interagissent moins avec l'autre joueur. Ça fait partie du fait des formats plus éternels, disons. Par contre, c'est ça, ça reste que c'est. Il y a plusieurs bands qui sont agressifs. Puis que moi, chaque fois que je vois moderne comme ça, je trouve que tout le temps, c'est un format qui est fragile. Puis c'est bizarre parce que c'est censé être un format justement qui est comme stable. Puis finalement, il est fragile parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il y a une carte qui va être jugée comme trop dominante ou juste parce qu'il n'aime pas qu'un deck soit trop représenté puis décide de leur enlever, tu sais, une carte trop importante. Je me rappelle de John qui dominait, puis on a enlevé la Braid Elf, puis Deadrite Shaman, puis c'était fini. Puis là, ça commence à se reconstruire, mais c'est pas évident. Puis je sais pas. C'est un beau format. Moi, j'ai un deck moderne que j'adore là, avec mes Snapcasters, puis la vie est belle, mais je me demande où se situe ce format-là dans le cœur des joueurs de Magic. T'sais, est-ce que c'est un format... Parce que, tu sais, moi, je me disais, c'est un format parfait parce que, personnellement, mettons, je joue en standard, je me ramasse des paupières cartes, puis là, finalement, les cartes sortent du format, puis je me dis, ah, ben, je peux continuer à les jouer en moderne. Je fais juste les ajuster, puis en ajouter des meilleurs, puis je peux continuer à les jouer, mais là, ils sont un peu toujours en danger parce que je ne sais pas si, du jour au lendemain, telle carte va être bannie ou... Je ne sais pas. Est-ce que, selon toi, c'est un format qui est viable, durable, puis apprécié? Est-ce que tu penses que... C'est une évolution nécessaire dans le jeu à cause du prix des duals Legacy qui rend le format très, très inaccessible pour les nouveaux joueurs. Même s'il y a eu des Grands Prix Legacy dans les dernières années, comme l'année dernière, les Grands Prix Legacy à New Jersey qui était avec 4000 personnes. À ce moment, Legacy commence à s'essouffler. C'est une évolution nécessaire. Maintenant, il manque certaines choses dans le format moderne qui permettent d'interagir avec des decks combo. Ouais. Je pense pas que Wizards a l'intention de changer ça parce que, en général, les decks deviennent de plus en plus agressifs. Il y a de plus en plus de créatures agressives qui coûtent pas cher. Tout à fait. Par exemple, des créatures qui deviennent des planeswalkers. Non, mais... qui commencent avoir leur impact en moderne. Chase. Mais, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'à l'avenir, plus ça va aller, plus il y a des cartes qui vont avoir un effet sur moderne. Ouais, je pense qui vont changer le... qui vont changer la face du format. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là, Renaud, parce que j'avoue que dans ma conception de moderne, c'est une grosse affaire bien stable qui bouge à peine, puis que sauf quand Wizard banne des cartes, mais j'avais pas l'impression que, mettons, les nouvelles cartes réimprimées allaient être assez fortes pour aller dans un format éternel comme ça. Mais comme tu dis, je pense que non, à l'inverse. Probablement que Wizard va avoir en tête d'insuffler une certaine direction à moderne avec des nouveaux sets. Puis il va y avoir des nouvelles cartes qui vont vraiment comme être suffisamment fortes pour aller influencer moderne. On voit ben, notamment Jace, je pense, mais tu sais, comme les commands. Les commands sont pratiquement tous joués en moderne à quelque part. Il y a juste Odd-Tire Command, je pense que pas vraiment, mais Paragon's Command joué. J'ai eu des Dromokos Command dans des sideboards. Même chose, à Tarkas Command, c'est sûr Tarkas que c'est Command, joué. C'est joué. C'est quand même des cartes significatives. Les nouvelles Fetchlands font en sorte que ben, tu peux jouer certains decks, même si t'as pas les Fetchlands dans le slot. Puis, les Fetchlands de Zendikar. Puis, ça réduit un peu le prix des Fetchlands de Zendikar aussi. Là. On va pas se cacher. Fait que... Non, c'est bien. En ce moment, il y a comme une relation d'amour hein, avec moderne. Parce qu'il y a des decks qui sont très frustrants. Ouais. Il y a des cartes de sideboard qui sont vraiment très, très fortes. Mais ça, qui ont un impact là, brutal sur le contenu. Genre Blood Moon. T'sais, Blood Moon, Silence, Kataki, Wage, toutes les cartes. Ouais, l'effet sur le match est juste ridicule. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est assez diversifié. Il y a une dizaine de bons decks. la chose quand même assez intéressante pour qu'il y ait des gens qui se déplacent dans des tournois, même si. Puis souvent, ben, c'est un moindre mal entre standard puis moderne. Ben, les gens vont peut-être jouer moderne parce que c'est un moindre mal. Oui, c'est clair, parce que Il tant qu'il a payé y a des gens qui 900. préfèrent encore standard, mais. Oui, ben, parce que tant qu'il a payé 900 $ pour un deck, j'aime autant qu'il soit moderne. En ce moment, là, oui. Mais dis-toi que faut que t'achètes des Chase pour Modern de toute façon si tu veux jouer des Effectivement. decks ben, si tu veux jouer Crixis ou même Ça me fait peur parce que moi, le deck réanimateur qui se met à jouer des Chase, là, on est rendu. Moi, je joue Jeskai mid-range en moderne avec une carte qui est plus jouée pantoute, c'est Guys of Saintrath. Puis, je me demande là, si Jace va pas comme, apparaître dans toutes les listes Jeskai de moderne d'ici un an. Puis, comme j'aurai pas le choix de les avoir, sinon, ça sera plus viable. Puis là, je vais être pogné m'acheter 4 Jace de toute façon. Ou ben, je vais faire le good old trick de m'acheter un Jace, le sliver dans ma boîte, puis de jouer avec des check cards, puis espérer que personne s'en rende compte. Ben non, je ne ferai pas ça, Renaud, voyons. On nommera pas de nom. Fait que c'est ça. Mais Jace, mon Dieu, Ben, il demande la y a question, beaucoup de qui gens qui tue? ont parlé de Jace, puis on parlera pas de Jace vraiment Non, mais je longtemps. sais, C'est mais. thématique. Non, je sais, Jace, mais la plusieurs question qui l'ont tue. comparé à Snapcaster Mage, Ouais. mais l'affaire, c'est que t'es pas obligé de payer le 2 mana dans le même tour que tu veux payer le spell que tu flashback. Ça, Puis, c'est une grosse c'est différence. officiellement, c'est pas flashback Non, non plus. c'est sorcery. Fait que tu peux payer des coûts alternatifs qui sont pas en mana avec Chase, que tu peux pas faire avec Snapcaster. Fait qu'il y a des petites subtilités qui font en sorte que tu te rends compte que Chase, puis s'il dure plus que 2 tours après pour rejouer un autre spell, ça devient complètement ridicule. Ouais, fait que là, d'abord, la question qui tue, c'est est-ce que je vends mes Snapcasters pour m'acheter 4 Jace? Non, parce qu'ils jouent encore des Je Snapcasters quand même. sais bien, Ils mais. vont jouer 3, 2 ou 3 Snapcasters, puis Ouais, ils mais vont jouer des Jace. si j'ai 4 Snapcasters en ce moment, puis je me dis c'est pas mal ce que j'ai de valeur, là, tu sais, mettons dans ce deck-là, est-ce que je devrais vendre mes Snapcasters ou trader 4 Snapcasters contre 4 Jace? Tu ferais-tu ça, toi, cet échange-là, mettons, je te dis ça? 4 Snapcasters contre 4 Jace. Ah ben. Ça se fait-tu? Devrais-tu faire ça si je veux jouer standard un petit peu, J'échangerais un Snapcaster pour un là? Jace. Non, mais je vendrais ma guitare, je sais pas. Je vais aller vendre ma guitare. Cool, ben, c'est bon, Fais merci. 3-4 périodes de suppléance de plus pour payer des Jace. C'est bien, il y a ça. Je sais Renaud, en ce moment, tu jouerais quoi, toi, en moderne? pas. Affinity, je joue Affinity. Tu joues Affinity, puis tu continuerais de jouer Affinity? Oui. Le deck est C'est vraiment excellent. linéaire, ça fait ce que ça a l'air à faire, puis t'as des pas pires match-up contre à peu près tout, sauf quoi? Contre Surtout Twin? Twin, Amulet Bloom. Puis sur Magic Online, il n'y a pas tant de ces decks-là parce que bon, il y a quand même pas mal d'Amulet Bloom, mais il y a moins de Twin parce que je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a moins de gens que ça leur tente de démontrer le combo parce que sur Magic Online, c'est pas tout le monde qui c'est pas Ouais, tout le c'est monde qui concède la partie. Fait que quand il faut que tu ça. fasses tes 20 tokens en cliquant. Je Ouais, sais pas. Il y en a peut-être que ça gosse, là, je sais pas. ok, fait Mais que il y a Affinity. pas. Il y en a des twins sur Magic Online, mais il me semble qu'il y en a moins qu'en vraie vie. Fait que Affinity, tenez-vous pour dire. Moi, je joue pas comme je joue pas un call de metagame. Là. Je joue pas le meilleur deck dans le metagame. Je veux juste jouer le deck que j'ai. C'est Jeskai Midrange, mais je l'aime bien. Puis je le connais bien aussi. Je pense que ça, c'est une des choses. Hein. C'est quand tu joues un deck que tu es confortable, bon, un niveau de Grand Prix ne serait peut-être pas suffisant, mais tu sais, je sais qu'à un niveau, disons, régional, là, je serais capable de gagner avec ce deck-là, même si c'est pas la saveur du jour. Il y a quand même des bonnes cartes qui font des bonnes choses, puis ça va rester, je pense. Renaud, j'avais aussi un autre petit topo que je voulais toucher. C'est parce qu'on arrive à la fin de la saison des PPTQ et c'est comme si c'est devenu un peu la nouvelle, c'est la nouvelle façon de faire. On ne la remet plus en question vraiment, c'est correct, c'est ça qui est ça. Mais en même temps, je me suis dit, ah, ben, il y a quand même, ça a quand même changé la communauté de Magic, ça a quand même changé la façon que la communauté de Magic au Québec s'organise. Avant, c'était différent. C'était plus des petits tournois là, à gauche et à droite. Il y en avait peut-être moins, ou il y en avait peut-être plus, mais avec moins d'enjeux. où il était moins couru, tu sais, mettons des GPT peu courus, mais qui quand même. Puis tout le monde se ramassait quand on pouvait aller à des PTQ, puis là, ben, c'était des plus gros tournois, puis on espérait gagner, sinon ben, on retournait chez nous bredouille. Là, les PPTQ font que il y a du Magic compétitif au Québec peut-être plus régulièrement. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est peut-être ça un des effets, mais ça a aussi certains effets négatifs. Est-ce que tu serais capable de me faire un petit topo de toi, comment tu vois la chose de ce que le PPTQ a changé à la face de la communauté Magic compétitive? Oui, ben moi, quand j'ai une fin de semaine, personnellement, là, si j'ai une fin de semaine à choisir, je vais choisir une fin de semaine de Grand Prix. OK. Plutôt, avant, je pouvais choisir le PTQ aussi. Mm-hmm. Maintenant, me déplacer pour un tournoi à 20 personnes, faire 2h30 de route ou plus, là, c'est pas intéressant. Et ouais, puis, il n'y a pas assez d'enjeux. Il n'y a pas vraiment assez d'enjeux. C'est frustrant quand c'est ton... T'sais, en tout cas. Et puis, il n'y a ouais, pas... Que... Ce qu'il y avait autour des PTQ avant, il ne l'a pas. C'est-à-dire, moi? Ben, par exemple, si je perdais dans mon PTQ, quand il y avait 200 joueurs, je pouvais faire des échanges, je pouvais faire un draft. Il y avait assez de monde pour faire des drafts. Il y avait assez de monde pour faire des... Des fois, il y avait d'autres tournois en après-midi pour ceux qui ont perdu rapidement et qui ont fait 0-2 ou quoi que ce soit. Là, il y a 25 personnes en place. Là. C'est bien difficile là, quand il y a encore 16-17 personnes dans le tournoi et qu'il y a juste 4-5 personnes qui sont sorties là, près de... C'est difficile d'avoir quelque chose à faire de pertinent en attendant que les autres aient fini leur tournoi. Puis là, si quelqu'un fait top 8, ben, tu fais rien d'autre que de regarder les parties dans le fond. Là, fait que pour ça, c'est un peu dommage. Par contre, il y en a qui apprécient le fait de pouvoir jouer des tournois raisonnables, proches de chez eux, quand même pratiquement à chaque semaine. Ouais, c'est à ça. Moins de 2 ou 3 heures de route, là, 2 heures. Sauf que en même temps, ils disent avant quand on avait des tournois ordinaires, on avait des prix en conséquence aussi. Sauf que là, avec le fait que ça prend un jeu niveau 2, ben, il n'y a pratiquement pas de prix à part l'invitation. C'est ça. Mais en termes de préparation, de focus sur le jeu, les gens sont peut-être un peu plus organisés, puis ils suivent plus la metagame. Ce qui fait en sorte que ça fait des joueurs allumés qui sont capables d'arriver dans des grands prix ou dans des tournois de plus grande envergure, puis être capables de performer malgré tout. Chose qui peut-être n'arrivait pas avec un PTQ parce qu'on n'avait pas nécessairement autant de tournois avant pour se préparer. Peut-être que ça l'aide la préparation pour des grands prix. Mais en général, c'est un système particulier qui ne sera jamais parfait, je pense. Non, c'est ça. Mais il y a des choses que je retiens de ce que tu dis qui sont très intéressantes. La première, c'est comme quoi, par exemple, pour un joueur là, qui décide que, bon, là, une fin de semaine donnée, il veut faire un tournoi de Magic quand même de bon calibre, ben, ce qui va s'offrir à lui, c'est un PPTQ. Donc, oui, il va avoir du bon calibre, il va jouer à Magic, mais l'enjeu, ça va être quand même que va falloir que je. Admettons que je gagne, là, tu sais. Ben, c'est pas que je me vais pour autour, c'est que je m'en vais à un autre tournoi régional, puis là, il va toujours bien falloir que je peuve cette fin de semaine-là. Tu sais, comme on a des exemples de gens qui n'ont pas pu là, carrément se rendre à l'autre tournoi. Fait que finalement, tu as pris du temps de ta fin de semaine, tu as eu du plaisir à jouer à Magic, mais quand même, l'enjeu en tant que tel, il est élevé. Mais en même temps, c'est pas la même chose que savoir que tu peux carrément gagner ton invitation pour le pour la fin de semaine que tu prends dans ce sens-là. Je te rejoins pour dire que tant qu'à ça, j'aime autant. Si je pourrais prendre du temps pas mal pour Magic, j'aime autant me dire, OK, ben, je vais me cibler un grand prix, puis je vais aller à un grand prix tant qu'à ça, tant qu'il y a à des PPTQ. En même temps, pour un joueur qui, lui, a un peu plus de temps, qui décide qu'il veut un peu plus régulièrement jouer à Magic à un bon niveau, ben, effectivement, les PPTQ apportent ça de jouer à un niveau quand même compétitif, à bon niveau, régulier, pas mal, là, ça peut te garder dans un niveau de préparation qui est quand même probablement plus sharp en moyenne pour plus de joueurs. Ça, c'est quand même intéressant. Fait qu'il y a peut-être plus de joueurs qui ont un bon niveau en ce moment, mais pour un joueur donné qui décide qu'il peut offrir une fin de semaine à dire « OK, là, je veux jouer un bon tournoi », ben peut-être que là, c'est moins bien maintenant. Mais là, ça va être de voir comment la nouvelle série Face à Face, Super Série, qui était anciennement Mana Deprive, Super Series, va venir complémenter là, l'offre des PPDQ. Puis l'offre des Grands Prix aussi. Ça va être de savoir aussi comment Wizards entend mettre en action sa promesse d'inclure des invitations Pro Tour dans les séries privées d'organisateurs privés tels SG. Et sait-on si Face à Face va avoir des invitations aussi, ou quel seuil ça va prendre de joueurs pour qu'une série comme ça puisse se qualifier à cette promesse-là. C'est toutes des réponses qu'on risque d'avoir en 2016, mais je pense que ces événements-là, plus ponctuels, qui arrivent plus comme une fois par deux mois, par région, là, ou quelque chose du genre, puis qui chantent par région, par province, là, si on veut. Là. Peut-être un peu plus que ça, même. Deux, trois mois, là, en tout cas, peut-être un à Québec, un à Montréal, un à Ottawa, puis quelque chose comme ça, un à Toronto. Puis... Mais que ça fasse des gros événements, est-ce qu'on va en avoir? Est-ce que ça va être directement cet événement-là qui va donner une invitation? Ou est-ce que ça va être, si tu la gagnes, là, après ça, il y a l'invitationnal de ci, de ça? On ne sait pas encore là, vraiment là, quelle forme ça va prendre, parce que Wizards n'a pas encore annoncé les détails, même s'ils ont annoncé leur intention de le faire. Puis on ne sait pas non plus si Face à Face va se qualifier pour ce programme-là. Ouais, effectivement. Puis c'est comme... Puis s'il y a ça pour faire un complément à l'offre de PPTQ, ben ça peut donner à des joueurs comme moi une occasion de se déplacer, prendre une fin de semaine, en sachant que maintenant, ben cette fin de semaine-là, ça va payer, puis je sais que j'ai pas besoin de booker un autre deux, trois, une autre fin de semaine plus tard. Si je gagne ou quoi que ce soit, là, c'est... Ouais. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Puis moi, tu vois, il y a une chose que je remarque, c'est que, tu sais, mettons les SCG Open. Les SCG Open, en plus de que le gagnant reçoive quelque chose, un beau prix, puis là, éventuellement, peut-être des pro points ou des invitations, ils ont aussi la formule des points que tu accumules de semaine en semaine, pour avoir l'invitationnel des meilleurs joueurs. C'est peut-être ça qu'une série comme celle de Face à Face qu'ils vont mettre sur pied, que moi, j'ai aucun détail, mais qui pourrait être intéressante, parce qu'en ce moment, admettons qu'il y a des gens qui grindent des PPTQ, là, qui vont dans plusieurs PPTQ, mais essentiellement, il ne te reste plus grand-chose après ça. Si tu n'as pas gagné, il ne t'est rien resté. Mais si tu pouvais au moins accumuler des points... Mm-hmm. Ce serait quand même pas pire. Là. Fait qu'une série comme ça fait que ben, je prends peut-être du temps de ma fin de semaine, mais j'y vais pas pour rien. Parce que si je gagne pas, ben, peut-être que si je me qualifie assez haut, ben, je peux quand même accumuler des points pour une semaine, puis éventuellement être invité à un plus gros tournoi, juste parce que j'ai été fidèle puis j'ai participé beaucoup. T'sais. Moi, ça, je trouve ça intéressant, une série comme le SCG Open. Puis si en plus, à la fin. C'est une solution qui pourrait être mise en place pour les PPTQ comme tel. Si dans la saison, tu as fait 5 top 8 de PPTQ, 6 top 8 de PPTQ, je ne sais pas combien qui pourrait calculer ça, puis tu as le seuil. Ben, c'est des points, en fait, c'est simplement donner des points. Ouais. Tu pourrais avoir des points donnés au top 8, top 4 de PPTQ, je ne sais pas trop. Puis après un certain seuil de points, on reconnaît que tu peux être invité au RPTQ. Ben ça ferait qu'il y aurait plus de joueurs au RPTQ, ce serait des tournois un petit peu plus excitants qu'en ce moment à 70. Ben ouais. 45 puis 70. Là. Mm-hmm. La moyenne, c'est 60 quelque, je pense. Ouais. Que, non, c'est quelque chose qui pourrait même être fait pour des PPTQ. Ouais, en fait, je pense que c'est dans une série privée. Là. Ouais. Y a aussi le fait que quand tu gagnes un PPTQ au départ d'une saison, là, ils ont raccourci les saisons pour atténuer cet effet-là. Mais c'est quand même frustrant parce que tu ne peux plus jouer là. Pour le reste de la saison, parce que tous les tournois dans les magasins, tous les tournois sont monopolisés par les PPTQ. Et les tournois les magasins font pas vraiment d'autres tournois majeurs, entre guillemets, là, à 25-30 joueurs, là, on va dire autre un GPT. Qu'un PPTQ. Ouais. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Il y en a quelques-uns, là, mais il n'y en a pas vraiment d'autres. C'est faire en sorte que pour jouer au Magic compétitif, si tu gagnes un PPTQ, t'es mieux de le gagner à la fin de la saison si tu veux jouer. Tu veux jouer en masse de matchs, oui, c'est ça. Effectivement, ça c'était. Puis là, ils ont voulu atténuer ça, mais tu sais, l'histoire des points serait pas. C'est aussi frustrant quand t'es déjà qualifié pour le PTQ par rapport à, mettons, si t'as fait top 8 sans te qualifier pour le proto, mais si t'as fait top 8 du RPTQ d'avant, t'es automatiquement qualifié pour l'autre d'après. Ça veut dire que tu joues aucun PPTQ de toute la saison, tu ne pourras pas jouer. Mm-hmm. Puis ça réduit les occasions de tournoi grandement, ça. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est une problématique aussi qu'il y a. Donc, c'est pas. Je pense que l'ancienne formule des PTQ n'avait pas autant de désavantages, mais le. Comment je te dirais ça? Je trouve que l'ancienne formule de PPTQ, la façon qu'elle était, tu sais, c'était comme s'il n'y avait pas vraiment de gros désavantages, mais bon, on se disait qu'on pouvait faire mieux. Là, on essaie quelque chose qui, à certains égards, c'est mieux parce que justement, certains joueurs, tu sais, on a des gens qui ont commenté un peu sur la page qui, eux, font que tu sais, leur vie de compétitive fait que chaque fin de semaine, ils peuvent aller à un événement puis aller jouer compétitif puis en retirer satisfaction puis espérer gagner puis éventuellement en gagner un. Tu sais, puis, je pense c'est que ça. Ça, c'est bien, mais le fait que ça, ces fins de semaine-là, il n'y a rien qui reste, l'histoire de peut-être ajouter des points à ces événements-là serait, je pense, peut-être une façon de marier un peu les deux. Puis en tout cas, j'ai bien hâte aussi de voir le complément qu'une série de comme les jeux face-à-face vont mettre sur pied. Quel complément ça va pouvoir avoir à les PPTQ? Parce que je sais que moi, en ce moment, je fais moins d'événements compétitifs que j'en faisais avant cette nouvelle formule, ce qui est un peu étrange, mais je me dis tout le temps, justement, ah, je vais-tu vraiment monter comme à Saint-Jean-sur-Richelieu pour aller faire un PPTQ? T'sais, pour un PTQ, j'étais à Montréal, je vais descendre aux États-Unis avec des amis, on va se taper un trip. Ouais. Là, il y a moins cette idée-là qu'on va aller se taper un trip. T'sais, c'est moi tout seul qui partirais dans mon auto. Peut-être dirais-je, je monte à Saint-Jean s'il y a du monde qui va venir avec moi. Mais je ne sais pas, il y a comme... Moi, la solution idéale que je verrais, là, c'est un système de points de qualification. Là. J'en ai t'sais, j'avais glissé un mot tantôt, mais c'est ça sur Magic Online en ce moment. Mm-hmm. Tu as des points de qualification. Tu gagnes un draft, tu as un point de qualification. Là, tu fais 3-1 dans un événement quotidien. T'as un point de qualification, tu fais 4-0, t'as 3 points de qualification, tu fais un gros tournoi, il y a des gros tournois des fois. Là, t'obtiens 4, 5, 6 points de qualification. Puis là, quand t'as un seuil de qualification, t'as 2 points de qualification, mettons, t'as 15 points de qualification, ben là, t'es invité à un préliminaire pour le MOX de fin de saison. Fait qu'à chaque mois, il y a un MOX de fin de saison. Puis, si tu as 35 points de qualification, tu es directement invité pour la finale. Hmm. Puis, le gagnant de la finale, il y a une invitation au Pro Tour. Ouais, c'est cool, ça. Hmm. Fait que des événements comme ça, un peu partout, tu sais, si tu fais top 60, autre que Pro Point, c'est un point de qualification qui serait pour les joueurs qui veulent se qualifier pour le Pro Tour. Là, quand tu as un seuil dans l'année X, là, on reconnaît ta qualité, puis là, tu es invité dans le RPTQ. Ouais. T'es peut-être pas directement invité au proto parce qu'il faut qu'ils gardent le contrôle sur le nombre final. Oh, ouais, c'est ça. Mais ça te donne un seuil qui t'invite au RPTQ pour la saison. T'sais, mais ça reconnaît des bons résultats constants, mais pas nécessairement la victoire d'un tournoi. Tout à fait. Puis moi, en tout cas, je sais pas s'il y a quelqu'un à Wizards qui nous entend, mais je pense que l'idée est excellente. Puis tu sais, il y a quand même des cerveaux là, qui sont là. Puis j'ai l'impression qu'ils doivent avoir quand même pas mal de commentaires. Là, la communauté, s'il y a une chose qu'Internet a amené, c'est le fait que les. On dirait qu'on pense là, en gang, au sens où, tu sais, chaque fois que j'ai une idée, éventuellement, il y a quelqu'un qui a eu cette même idée et qui l'a déjà proposé. Tu sais, fait que j'ai l'impression que. Ça doit exister quelque part. Là, puis je pense que probablement que c'est un peu ça qu'ils veulent faire avec en reconnaissant les séries qui existent déjà. Parce que je pense pas qu'ils veulent gérer ça. Wizards avec les PPTQ, je pense pas qu'ils veulent nécessairement gérer toute cette histoire de points-là, mais en mettant des séries parallèles où, en bout de ligne, il y a des points Wizards qui peuvent être à aller chercher des pro points. Ben, mais il y a déjà les Planeswalker Points. Ils ont déjà l'infrastructure. Effectivement. qui pourrait leur permettre d'ajouter là, une ligne dans leur base de données. Puis le calcul se fait déjà parce qu'il y a déjà une base de données avec des points qui se calculent en ce moment. C'est pas tant compliqué. Ils n'ont pas une nouvelle infrastructure à créer pour faire ce genre de système-là. Il faut juste qu'ils décident, tu sais, c'est quoi les seuils pour être invités au RPTQ. Puis ça, ils ont les statistiques pour le faire. Ouais, c'est clair. Il y a juste Wizards qui peut faire le travail de dire les seuils puis comment le faire. Il y a juste eux pour être capable de faire ce travail-là parce que c'est eux qui ont toutes les données. Mais ils pourraient le faire s'ils décidaient que c'était un principe acceptable pour eux. Puis ça rendrait les RPTQ beaucoup plus excitants. Parce qu'en ce moment, 45-60, bah, c'est pas incroyable. Tandis que si dans chaque région, il y avait, tu sais, puis il pourrait avoir une diffusion, ça pourrait faire comme un mini Grand Prix. Ouais. Rendu là. Ben oui. Ouais, fort intéressant, ça. Je trouve que c'est des pistes qui sont à voir. Puis personnellement, en tout cas, moi, je sais que ce serait le genre d'affaire qui probablement me motiverait plus à Non, c'est ça. Quand tu sais que tu peux partir avec un point, tu sais que, pour être qualifié pour le RPTQ, je sais pas, ça fait 6 que je fais puis je suis pas capable de me qualifier. C'est il me manque un point pour me qualifier, tu sais. Ouais, exactement. Tu le fais le plus, tu sais, puis là, ça te fait rentrer dans le tournoi. Un tournoi de plus, peut-être une demi-heure plus loin ou quelque chose. C'est un incitatif quand même assez élevé. Là, mais... Ouais. Non, mais. J'ai pas de fusion là-dessus, mais. Ouais, on s'était dit qu'une des missions de Magic 101, ce serait, puis il ne faut pas lâcher ce morceau-là, mais c'est d'un jour avoir une équipe pour le Québec à la World Magic Cup qui est en fin de semaine prochaine. Pas en fin de semaine prochaine, mais le 11-12 décembre. Peut-être qu'on pourra se mettre dans notre liste numéro 2, ce sera d'influencer la restructuration des PPTQ pour que ça devienne une série avec des points pour stimuler la participation, puis aussi rendre les RPTQ plus palpitants. Écoute, Renaud, ce serait un bel épisode comme... épisode d'anniversaire, puis en plus là, de cet épisode-là, je vais aller mettre en ligne notre nouvelle identité visuelle qui sera éventuellement accompagnée aussi d'une refonte du site. On travaille très fort dans les coulisses, Renault notamment, pour offrir encore un meilleur contenu à nos auditeurs pour que l'offre de Magic 101 soit plus simplement une balado, mais qu'il y ait aussi un site sur lequel les gens peuvent aller pour aller chercher de l'information de qualité. Donc, on revamp un peu le site et l'offre qu'on va vous donner. Donc, on ne veut pas mettre une date encore sur ça parce que on fait ça un peu à temps perdu et par amour. Mais dès qu'on a quelque chose pour vous, on le présente. Mais en attendant, pour nos auditeurs, vous allez voir apparaître notre nouveau logo dont on est très fiers. On dit d'ailleurs merci à mon excellente conjointe Valérie Desrochers pour ce beau logo d'ailleurs. Parlons-en de l'amour. Ah. Ben, merci. Écoute. Non, mais par amour, ben oui, là, c'est ben sûr. Oui, c'est sûr, c'est exactement pour ça. C'est parce qu'elle m'aime, puis elle est fière de moi. Elle voulait nous supporter à sa manière. Elle n'écoute pas bien les épisodes, moi, être franc, parce qu'elle ne comprend rien. Elle aime, je ne suis pas magique. Ma femme non plus, elle ne comprend pas grand-chose. Mais elle voit que je suis passionné, puis elle me supporte. Elle voit que mes cartes traînent, puis elle n'aime pas ça. Non, c'est pas... c'est moins vrai depuis que je joue plus autant, puis que je ne suis plus à Sherbrooke. Là. Ouais. Mais on sait ce que c'est. Ben, écoute, Renaud, merci beaucoup pour cet épisode, puis on se donne une nouvelle, on se revoit bientôt. Merci à tous nos auditeurs, puis on se revoit la semaine prochaine, dans 2 semaines, le plus vite possible. Oui. Oui. Oui. C'est un gros mot de la fin. Ciao, salut, à plus. Bravo.